Viens voir, y a un film sympa sur la 1. Il va commencer, on le regarde un. Sous la couette, on aura chaud. Dehors y a du vent, il fait pas beau. Non, j'ai pas envie d'acheter du chocolat. Ni besoin de couche pour faire partout caca. J'suis pas concerné, j'ai pas de lapin. Ni de chat, mais cette litière, c'est malin. Cette lessive est biodégradable. Ces baskets ont l'air confortables. Elle, moi, je veux bien lui savonner le dos. Si ça continue, je vais aller faire dodo. Jamais cette voiture, je pourrais me la payer. Pas idiot, la pub sur crédit juste après. Ce fromage me donne la fringale. Y'a un nouveau sandwich au McDonald's. Y'a des promos sur les glaces à Auchan. Les manèges de ce parc ont l'air amusants. Ces sous-vêtements vont bien à la dame. Je crois qu'ils sont en retard sur le programme. Cet anti-ride semble très efficace. Comme il a un joli sourire avec ce dentifrice. Veux pas changer de télévision. Mais celle-ci a une très haute résolution. J'aimerais bien aussi partir pour la Grèce. Elles sont jolies ces pilules anti-graisse. Il commence sérieusement à m'agacer. Avec ses pubs qui continuent de défiler. Tant mieux s'ils ont des applicateurs. J'en parlerai ce week-end à ma sœur. Si les fruits donnaient autant de bonheur, y'aurait moins de ventes d'antidépresseurs. Je fume pas, je m'en fous des briquets. Les serviettes hygiéniques, tu m'as bien regardé. Demain, c'est l'émission de variété. Ça y est, je suis énervé. Ouais, ce sont des pas que j'avais remarqué. Oh, y'en a assez. J'éteins la télé. Si on faisait plus de l'amour, chérie.